إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا إن شاء الله في سلسلتنا في رسائل ومتون التوحيد، ومن اليوم سندخل في هذه الرسالة الجديدة التي هي مسمى الأصول الستة، ومؤلفها ما زال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. Donc on va poursuivre dans la série de cours qu'on a fait dans le Tawhid, dans les petites rasa'il et les moutoun. Et aujourd'hui, on va commencer dans Arisala al-Usul al-Sitta. Yani les six fondements. Dont l'auteur est le même, Mohamed ibn Abdul Wahhab ibn Najdi, rahmatullah ta'ala alayhi. Et on va le prendre avec le charh de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah ta'ala. Pareil, c'est un charh, alhamdoulilah, il est résumé, il est clair, il est simple et limpide. يعني كنت أنا يبقي ما اسمه هذا القواعد الأربع، أنا يبقي لترجمة الشيخ المدخلي كي لا يبقى تروي أكور إن شاء الله كنت أقرأ كيف الشبهات إن شاء الله سافيك سون إكسبيكاسيون على لي ونبرا سا ترجمة. Et là par contre aujourd'hui on va prendre la ترجمة de Cheikh Al-Uthaymeen, يعني sa biographie de façon résumée. Tout d'abord, qui nous rappelle la date de naissance? Est-ce que quelqu'un se rappelle de la date de naissance et de mort de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi? Rahmatullah ta'ala. Yani, Kulna, il est né en 1115. Il est mort en 1206. Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi. Ça équivaut à l'an 1700-1800. Donc là, on va prendre celle de Cheikh Al-Uthaymeen, par son résumé également. Cheikh Al-Uthaymeen qui est parmi les imams de cette époque, donc également la science, les paroles et les fatwas sont incontournables pour nous. Ses livres, il était surnommé le faqih, l'homme qui avait beaucoup de science, de compréhension. Et c'était également, il était fort dans tous les domaines. Tous les domaines, il était reconnu pour être fort. Il était reconnu comme étant un muhaddith, un faqih, un lorawi, ou un al-dhalika, ou un usuli. Donc là, on va prendre la tajama qui a été mise dans son char de Kawaid al-Usul ou Maraqid al-Fusul. Qui a été édité par yani sa fondation, yani Mu'assasat al-Sheikh. Ces gens-là, il y a eu des kalem qui ont été dit sur eux, qu'ils ne sont pas à la jadda, sur le ménage salafi. Lakin, Tarjama elle est connue, le Sheikh, Tarjama elle est connue. Alhamdulillah, yani plein de gens l'ont fait, et tout autour des mêmes points. On pourrait se dire qu'ils auraient pu mentir sur lui, des choses qui ne sont pas vraies ou quoi, ce qu'on va apprendre, c'est des choses qui sont connues. Naam, rahmatullah ta'ala. Faqalu, huwa sahibul fadila, al-sheikh, al-alim, al-muhakkik, al-faqih, al-mufassir, al-war', al-zahid, Muhammad ibn Salih, ibn Muhammad ibn Sulaiman, ibn Abdul Rahman, al-Uthaymeen, min al-wahbati, min badi tamim. Wulida fi lilat al-sabi' wa ishrin, min shahr Ramadan al-mubarak, عام 1347 في ونيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. Donc il est le savant. On dit muhakkik, c'est une personne qui fait les tahqiqat, c'est-à-dire qui voit dans les khilafs et qui en sort le kalam qui est sawab. Il voit les différents avis qu'il y a dans les khilafs et il arrive à te dire le rajih, même dans le hadith. Dans le hadith, par exemple, quand plusieurs hadiths sont analysés, certains le voient faible, d'autres le voient authentique ou on ne connaît pas, lui vient faire un tahqiq et il te dit le jugement qui se rapporte au hadith, par exemple. Al-faqih, al-mufassir, c'est-à-dire dans le tafsir. Al-war. Al-war, c'est quoi le war? C'est le fait de délaisser en ce bas monde ce qui pourrait nuire dans l'au-delà. Al-zahid. Al-zahid, ça vient du zuhd, traduit par l'ascète. L'ascétisme. Traduit par l'ascétisme, qui est le fait de délaisser. Tork. Fi dunya, ma'lan fa'u fi l'akhira. Le fait de délaisser une chose de ce bas monde ne sera pas utile pour l'au-delà. C'est ça le zuhd, l'ascétisme. Il s'appelle Mohammed ibn Salih, ibn Mohammed ibn Sulayman, ibn Abdurrahman al-Uthaymin, d'Ibn Tamim. Ce prénom c'est Mohammed, Ash'ar al-Uthaymin. Souvent on l'appelle Ibn Uthaymin ou al-Uthaymin, qui remonte à des grands-parents. Son vrai prénom c'est Mohammed, et son père c'est Salih. Et son grand-père, Mohammed, pourrait le dire. Il est né la 27e nuit du mois de Ramadan, en 1347, à Unayza, qui est une ville en Saoudie. Il y a ce qui équivaut à peu près au mars 1929. Mars 1929. Son père l'a mis sous la tutelle de son grand-père pour lui faire apprendre le Coran, un des grands-pères paternels, qui s'appelle Abdurrahman ibn Sulayman al-Damir. Et de là, il a appris à lire et à écrire, et un peu de calcul également. Il a appris des textes littéraires. Naam. Et et il a pris le Coran, il a fini de le mémoriser avant l'âge de 14 ans. Ensuite, son père l'a indiqué, ou plutôt l'a incité à faire talab al-ilm, à apprendre la science. Et il se trouve que dans la ville où il était, à Unayza, il y avait le cheikh al-allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, qui enseignait al-ulum al-shar'iyya dans le Jami al-Kabir, dans la grande mosquée qu'il y avait dans sa ville. Et là, c'est-à-dire qu'il donnait des cours généraux dans le masjid, et il avait confié la charge à deux de ses toulèbes de donner les durous privés pour les débutants. Donc de là, Cheikh Uthaymin, à l'époque, qui était encore jeune, a commencé avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il prenait des durous khas pour lui, avec ses toulèbes, et leur nom c'est Mohammed ibn Abdul Aziz Mutawwa, et l'autre c'est Ali ibn Hamd al-Salihi. De tous les deux chers Abdurrahman al-Sa'di, qui prenaient en particulier les jeunes débutants pour leur enseigner les choses primaires de la religion, pour comprendre les douloufs généraux. Les douloufs généraux, souvent que les savants y font, s'appellent douloufs raya. Et les douloufs que tu prends toi en particulier s'appellent douloufs ala. Ces douloufs que tu prends en privé sont des moyens de comprendre les douloufs raya, des ulama. Car le alim, il n'a pas le temps de te faire, par exemple, tout en particulier, depuis le début jusqu'à la fin. Et des paroles que tu pourras avoir, tu ne pourras peut-être pas comprendre. Sans doute, c'est l'A'la. Naam. Donc de là, Cheikh Uthaymin, naam, il a pris les doulous au début dans le Tawhid, dans le Fiqh et dans le Nahu. En privé avec ses mashayikhs. Puis, il s'asseyait dans le cercle de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui lui donnait des cours de doulous dans le Tafsir, dans le Hadith, dans Sira al-Nabawiyya, dans le Tawhid, dans le Fiqh, dans l'Usul al-Fiqh, al-Fara'id, dans le Nahu. Et il apprenait avec lui les petits moutons des ulum. Donc il est considéré comme étant, il a dit son principal cheikh, Cheikh al-Sa'di, Cheikh al-Uthaymin. C'est Ma'alouf. Son grand cheikh, premier et principal, c'était lui. D'où il sait. Il a été forcément, fortement influencé par son style, dans la façon d'enseigner, dans la façon de parler même, et Zalika. Souvent, ton premier enseignant a vu sur toi, c'est connu, très connu. Donc c'est de lui qu'il a pris le plus de ses sciences, le Cheikh Saadi. Après, il y a un Mahad. Un Mahad, c'est une école qui a été ouverte à Riyad. Et certains ont proposé à Cheikh Mohamed Ibn Saleh Al-Utsaimin qu'il y aille, s'y inscrive et qu'il l'étudie. Donc il demandait la permission à son Cheikh Saadi de s'y rendre, l'a autorisé, il est parti. Ça, c'était en 1373, à peu près. Et de là, il y a étudié pendant 2 ans. Et parmi ses profs qu'il avait dans cet institut, qui était à Riyad, il y avait à ce moment-là Cheikh Mohamed El-Amin Shankaiti, très connu, un Mauritanien, très fort dans le tafsir, dans l'Ousul, et dans la langue arabe. Il était parmi les professeurs de Cheikh Al-Faymi. Et Cheikh Faqih Abdelaziz Ibn Nasir Ibn Rashid. وشيخ المحدث عبد الرحمن الافريقي رحمه الله عليه جميعا. Donc pendant 2 ans il a enseigné là-bas, ou plutôt il a étudié là-bas sous l'enseignement de ses professeurs. Et pendant cette période également, il est entre contact avec Cheikh Ibn Baz et profita de lui dans son masjid, car là c'était des cours qui étaient dans une école propre, et dans le masjid de façon générale il prenait des cours également avec Cheikh Ibn Baz. Parmi les nourrices qu'il a pris, Sahih al-Bukhari, ou des racelles de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il a étudié également les avis dans les différents mazahib qu'il y avait, avant de pouvoir étudier le cours, le rajih, le bon du mauvais. Ensuite, on peut considérer que Cheikh Ibn Baz est son deuxième principal enseignant, après Cheikh Saadi. Son plus grand enseignant, Cheikh Ibn Baz, rahmallahu ta'ala. Et après avoir fini cela, il est retourné à Unaïza, dans sa ville, et a repris son cursus avec Cheikh Abdelrahman Saadi. Et il a également fait des études dans l'université qui est à Riyad, l'imam Mohamed Ibn Saoud. Il a obtenu là-bas son diplôme d'études supérieures, dans cette jamia. Après, il s'est mis à enseigner à Unaïza. Il est devenu justement enseignant, c'est-à-dire tout comme lui, on l'a enseigné par des professeurs particuliers. Il est devenu de ces gens-là, par la suite, qui prenaient justement les jeunes débutants et leur enseignaient les choses. Après, Cheikh Saadi décéda en 1376. Donc de là, Cheikh Al-Faymi est devenu l'imam de cette mosquée, de ce masjid. Également, il était l'imam pendant le salat du Eid. Et il enseignait dans la maktaba de ce masjid. Dans la maktaba du masjid, dans la bibliothèque du masjid. Après, il afflua un grand nombre de toulab qui vient pour apprendre auprès de lui, à tel point que la bibliothèque ne suffisait pas. Donc il a été transféré dans le masjid en soi. C'est-à-dire qu'il a pris vraiment la place de Cheikh Saadi à ce moment-là. Dans le même masjid où il était, son cheikh, il est devenu l'enseignant principal. Et de là, beaucoup de toulab sont venus, des centaines, pour apprendre de lui. Non pas seulement pour écouter, mais pour apprendre réellement. Car il y a des gens, des fois, ils viennent dans des harakat du ilm, chez un savant, par exemple, ils disent, moi, j'ai étudié auprès de tel savant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il n'a rien profité, en fait. Il s'est assis, il était là, comme ça, il disait, acte de présence, c'est tout. Et après les gens disent, ah lui c'est un élève de Cheikh Intel et Cheikh Intel. Je dis, tayeb, mais est-ce qu'il a profité de Cheikh Intel et Cheikh Intel? Car quand on a même Cheikh Savant, c'est pas seulement avoir fait acte de présence, mais avoir profité de lui, avoir compris. Et le meilleur encore, d'être en mesure de pouvoir propager par la suite. Ah, même des awam peuvent venir à un centre de science, s'asseoir et écouter. Plein peuvent le faire. Après, il lui a été confié comme fonction d'enseigner pendant les saisons du Hajj et de Ramadan au Masjid al-Haram à Mecca, les douze généraux, pour les gens qui sont pour le Hajj, pour enseigner les règles du Hajj pendant Ramadan, pour apprendre les règles de Ramadan du Siyam. Khwarezmika. Et ça, c'était encore en 1402. Et également pendant les vacances d'été. Il était enseignant principal dans le masjid de Haram. Et il avait un style unique dans sa façon d'enseigner, dans ses conférences, dans son enseignement, et dans la façon de débattre dans les masaïl. Et c'est connu chez Al-Othaymeen, même quand il expliquait un ders, la plupart de ses koutoubs, comme celui-ci par exemple, en fait c'est des durus qu'il a donnés, qui ont été enregistrés, après qui ont été retranscrits à l'écrit. Et quand il parle, on dirait qu'il fait un livre. C'est détaillé, c'est structuré. Chez Adib, Adam Tofiqillah Azawajal Ali. Et à côté de cela, il avait plusieurs fonctions qu'il remplissait également. Il était par exemple membre de la délégation des grands savants, Hayat Kibal Ulama. Ça c'était en 1408. Il était membre de l'assemblée scientifique dans l'université justement de l'imam Mohamed Ibn Saoud, dans laquelle il avait étudié, donc il a pris des diplômes. Et ça c'était depuis 1400, ou plutôt 1398 à 1400. Il était aussi membre de l'assemblée de la faculté de la législation et des Usuluddin dans la même université. Et il fut délégué, ou plutôt attitré comme président de la section de la Aqida dans cette Jamia. Et plein de fonctions Allah Mabarak qu'il a eu tout en continuant à enseigner et à étudier. Il a eu 8 enfants, 5 garçons et 8 filles. Ses fils, parmi eux, il y a Abdallah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdulaziz et Abdurrahim. Les filles n'ont pas été nommées. Donc le Cheikh a été connu pour avoir, pour son grand niveau scientifique, son comportement, sa modestie, qui fait que beaucoup de gens l'ont aimé. Et c'est connu chez Al-Othaymeen, c'est devenu référence incontournable, comme on l'expliquait au début. Même des gens de l'innovation font son éloge et reviennent à lui dans les masalif fiqhiyya. Tu vas le trouver. Comme Cheikh Al-Albani, même de Moumtadia, reviennent vers lui dans le sens du hadith. C'est connu. Et puis, yani, il décéda avant le Maghreb du mercredi 15 du mois de Shawwal en 1421, qui équivaut au 10 janvier 2001. Il est mort le 10 janvier 2001. Rahimahullah ta'ala. Il est mort à Jeddah, il était enterré à Mecca, c'est le Masjid al-Haram. Et depuis, il a un grand nombre d'ouvrages à son actif, bifadlillahi wa rahmati, ce qui démontre une grande baraka dans sa science. Il a un grand nombre de toulèbes, mais aujourd'hui, on n'a pas connaissance vraiment de toulèbes qui aient pris sa place. C'est-à-dire de gens qui l'ont côtoyé réellement longtemps, et qui ont eu un grand niveau, et qui sont restés sur Minhaj, et qui aient pris la relève derrière lui, comme lui l'était. Souvent les ulama l'aise, par exemple, lui, il a pris la place de Cheikh Abdurrahman Saadi, c'est connu. Mais Cheikh Othaymeen, derrière lui, personne n'a été son égal, n'a pris sa place. Les toulèbes, il y en a plein. Mais quelqu'un qui était vraiment, qui excellait, et qui aujourd'hui pris sa place, et qui soit sur un ménage droit comme lui, on n'en a pas connu. Yanni, c'est pas. Non. Lui, c'est un contemporain de Cheikh Mokbel. C'est contemporain. Et combien même soit-il ses élèves, ça n'a pas été son élève, yani Moulazim. Par exemple, Cheikh Yahya, c'est le talib Moulazim de Cheikh Mokbel. 17 ans avec lui. Tout le temps avec lui. Il a pris sa place. Lui, par exemple, il a fait de nombreuses années avec Cheikh Saadi. Après, il a pris sa place. Hein? Des ulama ont étudié avec lui, il y en a plein. Mais quelqu'un qui l'a côtoyé longtemps, longtemps, qui arrivait à un stade très haut, et qui l'a remplacé dans ses fonctions, on n'a pas trouvé. Maintenant, les toulèbes, il y en a plein. Aujourd'hui, c'est même à la khayr. Mais quelqu'un qui a excellé, qui soit sorti du lot, maintenant, qui soit sur le ménage de droiture, je ne le connais pas. Mais tu as trouvé plein de toulèbes de Cheikh Othaymeen, plein. Ils ont étudié auprès de Cheikh Othaymeen, non. Mais des fois, peut-être un an, deux ans, trois ans, à Kaza, mais une longue période continue pour après prendre la relève, ça, je ne connais pas. Donc là, on va commencer à lire la Muqaddima de Sharh Usul Sitta de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Najdi. On avait déjà pris le معنى de Usul, qui est le pluriel de Asl, qui veut dire Ma yubna ali ghayruhu, chose sur laquelle on bâtit autre chose. معنى Asas, fondation, fondement. Ça peut être pris comme origine également, le mot origine. Il va en citer 6 particulières qui sont également incontournables et il nous a permis de les connaître et d'agir et d'appliquer également. فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعني المؤلف الان ليس الاوتر قال من اعجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن وظان ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وغقلاء بني آدم إلى أقل القليل. Il dit بسم الله الرحمن الرحيم. Parmi les choses les plus surprenantes et étonnantes, mais là c'est au sens de blâme qui dit cela, les plus grands signes démontrant comment on dirait Qudrat al-Malik. Qudrat là-bas, c'est la capacité de faire quelque chose. Yani, ces versets, ces signes démontrent, on va dire, l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est capable de tout faire. Le Malik al-Ghallab, il a dit justement des versets, des signes qui te démontrent 6 règles, ou plutôt 6 fondements, que Allah a bien classés dans son livre, de façon claire et limpide, que ce soit compris par les gens de la masse. Et que cela soit au-dessus de ce que s'imaginent des gens. Les gens ont des préjugés et des fausses compréhensions, et ces règles sont venues pour, ou plutôt les preuves que Allah dans son Coran a mis, sont venues pour démontrer justement la clarté de ses paroles et de ses usul, de ses fondements. Donc après que ces choses-là ont été clarifiées clairement pour tout le monde, même pour les gens de la masse, beaucoup de personnes se sont trompées et se sont perdues dans ces règles. Et parmi eux, les gens dotés d'intelligence dans le monde, et parmi eux également les gens raisonnables des fils d'Adam. Beaucoup se sont perdus, hormis une infime minorité. Peu de gens ont compris ces règles. Alors comme il dit, c'est là que l'on essaie de tout à fait. Que les choses dans le Coran sont claires, limpides, simples à comprendre, et malgré cela, des gens qui ont l'intelligence, qui ont la raison, se sont perdus, n'ont pas compris. Dans le Sharih, qui est Sharh Uthaymeen, il dit, en expliquant la basmala, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, qui dit que justement, l'auteur a commencé par la basmala, cela par celui du Coran, Kitab Allah, Azza wa Jal, qui lui commence, chaque surat commence par la basmala. A savoir que la basmala, il y a un khilaf, la basmala en début de surat, est-ce qu'elle est inversée ou pas dans le Fatiha? En dehors des autres surats, c'est pas inversé. C'est un fossile, c'est une séparation pour savoir que tu passes de surat à une autre. Mais il y a un khilaf dans le Fatiha. Est-ce que la basmala dans le Fatiha, c'est inversé ou pas? Il y a un khilaf dessus, ou encore le rajih, c'est qu'elle n'est pas inversée de l'Fatiha. Par contre, il y a Ijmar qu'elle a inversé dans Surat al-Nam. Innahu min Sulayman, wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est venu dans Surat al-Nam, il y a Ijmar. Par contre, le Fatiha, il y a un khilaf. Quoi qu'il en soit, les auteurs, généralement, quand ils font des livres, commencent par la basmala, par suivi, justement, de la l'usul Qur'ani, également pour celui de la sunnah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait ses lettres qu'il envoyait aux gens par la basmala. Et pour chercher la baraka. Et Allah, dans Bismillah, l'ov jalala, c'est le plus grand des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou l'ism al-a'zam. Il y a un khilaf également, certains ont dit que c'est al-hayyul qayyum. وغير ذلك. لكن الصحيح هو الله لفظ جلاله هو الاسم الأعظم. Et souvent les noms qui deviennent par la suite sont soit des badal soit des sifa par rapport à lafz jalala. Et comme ça c'est des fawaid qui sont liés à la langue arabe, inchallah on les prendra quand on fera du nahou biznillah ta'ala. Donc Allah, premièrement à savoir que c'est pris de Aliha, qui veut dire Abada. Allah, Ilah, Al-Ilah, qui veut dire Al-Ma'boud, l'adoré, la divinité, la seule qui mérite de l'être, subhanahu wa ta'ala. Et ce nom-là, wa khassun billah, c'est un nom, parmi ses plus beaux noms, d'ailleurs c'est le nom le plus grand. Ce nom-là n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Pour personne d'autre. Après il dit Ar-Rahman. Ar-Rahman également, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne sont propres que à lui. La tutlaq, il est à Allah. Personne ne peut être nommé Ar-Rahman en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que veut dire Ar-Rahman? Ma'anahu al-muttasif bi rahmati al-wasi'ah. Celui qui se décrit par la grande miséricorde. Très vaste miséricorde. Al-muttasif bi rahmati al-wasi'ah. Ar-Rahim ism yutlaq ala Allah azza wa jalla wa la ghayrihi. Ar-Rahim, par contre, c'est également parmi les noms qui sont propres à Allah, mais qui peuvent être employés pour autre que pour lui. Et le sens de Ar-Rahim ma'anahu dhu ar-rahmati al-wasila. Donc ça c'est celui qui a la rahma qui est continue, permanente. D'accord, elle est permanente. Donc Ar-Rahman est celui qui a la grande et vaste miséricorde. Ar-Rahim, celui qui a la miséricorde continue, permanente. Et quand lorsque les deux noms sont réunis, alors Ar-Rahim, que veut dire Ar-Rahim? C'est celui qui accorde sa miséricorde à qui il veut. Parmi ses serviteurs, comme le Ta'ala, Yu'adhibu man yasha, wa yarhamu man yasha, wa ilayhi tuqlabun. Que Allah, il châtie qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, c'est vers lui que vous reviendrez. Donc Ar-Rahim, lorsque les deux viennent, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir sa rahma à qui il veut. Ça, c'est ma yata'alak bil basmala. Puis il commence sa parole où il dit min a'jab al ujab wal akbar al ayat dalla ala kudrati al malik al ghallab sittati usul. Comme l'auteur il a dit, parmi les choses les plus surprenantes, parmi les plus grands signes justement démontrant l'omnipotence d'Allah, six fondements. Il est réel d'Alika. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لو عناية برسائل مختصرة التي يفهمها العامي والطالب العلم. ومن هذه الرسائل هذه رسالة ستة أصول عظيمة وهي الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك، والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، الأصل الثالث السمع والطاعة لأولي الأمر، الأصل الرابع بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، الأصل الخامس بيان ما هم أولياء الله، الأصل السادس رد الشبهات التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. Donc il dit que Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, une personne qui était extrêmement soucieuse dans l'écriture d'épîtres, de Rasa'il, résumé, compris par toute personne, par le Ammi. Le Ammi c'est celui des gens de la masse. Le Ammi c'est décrit comme étant celui qui la yahtam bi umur dinihi, la yata'allam, il n'apprend pas, il applique mal. Les gens de la masse, comme on les connaît, ou akthar al-muslimin al-yawm min al-awam, C'est des gens qui ont du laxisme dans l'apprentissage de leur religion. On dira comme ça. Ils ont du laxisme dans l'apprentissage de leur religion, dans l'application de la religion également. Après les awam, parmi eux, certains ont été mis comme neutres, et d'autres parmi les awam suivent le groupe auquel ils s'attachent. T'as des awam parmi les gens de la sunna, t'as des awam parmi les soufis, t'as des awam parmi les ikhwan, ou à l'adhalika. Comme on parle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est parmi avec ceux qu'il a aimé yomil qiyama. T'as des awam, ils connaissent la salafia dans le sens, ils savent que les salafis sont au courant de la vérité. Donc ils reviennent au savant salafi, au tout l'aide salafi, à Azalika. Mais sinon tu ne les verras pas attachés, notamment Sikim Bidin, comme un salafi hakiki. Tu les verras par exemple rasé, en pantalon, mousbil. T'as des péchés apparents, mais il sait que la salafia c'est le minaj sahih. Et s'il doit revenir à une masala, il s'attache au salafi. T'en as d'autres, c'est que les soufis qui sont. T'en as d'autres, c'est avec les ikhwan, d'autres avec les tabirs. Et t'en as, ils sont neutres, avec tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils disent, non, j'aime tout le monde, c'est tous mes frères, kaza et kaza et kaza. Il n'est pas muta'assib à une voix particulière. Par exemple, tu vas le voir manger avec le soufi comme pourra manger avec le salafi. Mathalan. Il est un peu neutre, on va dire. Sa neutralité, elle n'est pas bonne. Car le ménage, c'est une seule voie authentique, il faut la suivre. Non. Donc il dit que ce cheikh a été connu pour ça, pour l'écriture de Rasail simple et limpide, qui sont comprises par tous. Par le Ami, par Talib al-Ilm. Et parmi ces Rasail, celle-ci qu'on a, qui est entre nos mains, qui est Sittat Usul Azima. Six grandes, ou plutôt six grands fondements. Que sont ces six fondements qui va éclaircir dans ce livre? Le premier, c'est l'ikhlas, la sincérité, dont l'opposé le shirk. Deuxième, le fait de s'unir en religion et l'interdiction de la division. Troisième, le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, parmi les gouverneurs des musulmans. Quatrièmement, le fait de savoir qu'est-ce que la science et les savants, qu'est-ce que le fiqh et les fuqaha, les gens du fiqh, et de pouvoir différencier entre ceux qui le ressemblent, à la fois ceux qui le ressemblent, mais ne font pas partie d'eux. Cinquièmement, de démontrer qui sont les awliyas d'Allah, ses alliés. Sixième fondement, qui est le fait de réfuter l'ambiguïté que Shaitan a imposée, qui est le fait de délaisser le Coran et la Sunna, et la semence du Coran et de la Sunna, qui sont des fondements très importants à connaître. Donc il dit, nous recherchons de l'aide pendant ce moment-là pour les expliquer et les commenter avec ce que Allah SWT nous facilitera. Non. Donc là aujourd'hui on a pris la tarjama Mukhtasara de Cheikh Othaymin et la Muqaddima de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab et l'explication de Cheikh Othaymin par rapport au nom l'Ism Lof Jalala, Ism Ar-Rahman, Ism Ar-Rahim et le Muqaddima qui démontrera dans quel usul on va rentrer. Bismillah Ta'ala. Non. فنكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين.